Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 17e épisode d'ActuVu, le podcast de l'EJT qui résume l'actualité de la semaine en une quinzaine de minutes. Ici, on vous accompagne dans vos révisions pour les concours des écoles de journalisme. Comme d'habitude, on commencera par les actualités nationales. Maëlle reviendra sur les municipales, le grand sujet de la semaine. Du côté des actus internationales, Nina évoquera notamment la situation du détroit d'Ormuz et la crise à Cuba. Pour la rubrique éco-société, nous avons un petit nouveau dans le podcast. Pour son baptême d'ActuVu, Antoine nous parlera, entre autres, de l'opération d'envergure conduite contre la DZ Mafia. Côté sport et culture, Ludovic nous parlera du bilan des médailles françaises lors des Jeux paralympiques. Et enfin, on terminera en beauté avec les recos de Corentin pour approfondir certains de ses sujets d'actualité. Mais tout de suite, on sort les stabilos. Son jeu de jambes lui a permis de gagner le TFIEJ, le tournoi inter-école de journalisme. Alors c'est sûr, sa rubrique vous permettra de remporter les concours. Le Affluoté, c'est avec Lina. Le milliardaire Vincent Bolloré, 73 ans, doit passer devant la justice en décembre. Il comparaîtra pour corruption d'agents publics étrangers entre 2009 et 2011. Son ancienne agence de communication Havas aurait participé financièrement au Togo à la campagne présidentielle de M. Gnassingbé. En retour, ce dernier prolongeait la concession au groupe Bolloré du port de Lomé. Le Breton a également mis en cause pour complicité d'abus de confiance pendant la campagne de l'ex-président Alpha Condé en Guinée-Conakry. Vincent Bolloré encourt jusqu'à 10 ans de prison et 35 000 euros d'amende. Depuis lundi et jusqu'à hier était jugé Sabri Esside, originaire de Toulouse. Il est jugé par défaut, c'est-à-dire qu'il serait mort, mais qu'il n'y a pas assez de preuves pour le déclarer et juger comme tel. L'homme avait rejoint l'État islamique en Syrie en 2014. C'était un proche des frères Klein, acteur du 13 novembre 2015, et de Mohamed Merah, auteur de tueries dans le sud-ouest en 2012. Sabri Esside est jugé pour participation à des crimes contre la minorité yazidi, une communauté kurdophone. L'homme achetait des femmes yazidi et les soumettait à de l'esclavage sexuel. C'est le premier procès par défaut en France. Patrick Bruel est visé par au moins 2 plaintes pour tentative de viol et agression sexuelle. La plainte déposée par Daniela Elster dénonce le chanteur pour des faits qui se déroulent en 1997 en marge du festival français d'Acapulco. Le parquet de Saint-Malo ouvre également une enquête préliminaire après qu'une autre plainte ait été déposée pour des faits remontant à 2012. En plus de ces 2 plaintes, 6 femmes accusent Patrick Bruel, selon les infos de Mediapart. Les révélations du média ont poussé l'actrice Andrea Bescon à témoigner, tout comme Alexandra Lamy. Les tentatives de viol sont prescrites après 20 ans et les agressions sexuelles après 6 ans. Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme en septembre, emprisonné en octobre pour 21 jours, et toute la semaine et jusqu'au 3 juin devant la cour d'appel pour l'affaire du financement libyen. Dans les 2 autres affaires en cours à son encontre, les dossiers Bismuth et Big Malion, les médias annonçaient mardi que l'ancien président ne fait pas appel cette fois, après que sa demande de confusion des peines, qui lui aurait permis de fusionner les condamnations, a été rejetée. Fin de saison, mais aussi fin de carrière pour le skieur alpin Alexis Pinturo. Alors que se déroulent depuis jeudi les dernières courses de la saison 2025-2026, le triple médaillé olympique annonçait samedi prendre sa retraite. Le Français au plus grand palmarès, avec 34 victoires en Coupe du Monde, n'avait pas été sélectionné pour les Jeux de Milan-Cortina cet hiver. Il annonce ne pas se sentir assez motivé pour repartir pour 4 ans. Bruno Salomon est décédé dimanche à 55 ans. Il était notamment connu pour son rôle dans la série Fais pas ci, fais pas ça, Camelot ou encore comme Igor Dosgor. Il souffrait depuis 2020 d'un cancer. Sa famille ne souhaite pas donner plus d'informations pour respecter le vœu de l'acteur. Merci Lina pour ce tour de l'actualité. Maintenant, on va parler politique dans la rubrique France. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi ? Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Et on commence par un point sur les municipales. Et oui, Loubna, le premier tour a eu lieu ce week-end avec une abstention historique de 42,83%. Alors bien évidemment, les élections de 2020 ne sont pas comptabilisées dans ce calcul. Sur les 36 000 communes que compte la France, seulement 1600 sont engagées dans un second tour, notamment dans les grandes villes. À Nice, c'est un duel qui se joue entre Christian Estrosi, le maire sortant, et Éric Ciotti, allié du RN. À Marseille, le maire sortant socialiste Benoît Payan sera opposé au candidat RN Franck Alizio. Et enfin à Toulouse, Jean-Luc Moudin se retrouvera face à François Picmal de LFI. Le candidat PS François Briançon s'étant retiré de la course au Capitole. Une alliance a été passée entre les deux listes de gauche. Si Picmal devient maire, Briançon aura son soutien pour la présidence de la métropole. Plus globalement, l'ORN signe des percées dans plusieurs villes du pourtour méditerranéen. À gauche, les alliances au second tour se font au cas par cas. A noter que la France Insoumise réalise plusieurs percées, notamment à Saint-Denis où Bali Bagayoko a été élu dès le premier tour. France Libre, non, ce n'est pas un vestige de vos cours d'histoire du lycée, mais bien le nom du nouveau porte-avions français, le plus grand navire militaire jamais construit en France. Le chantier a commencé cette semaine, livraison prévue en 2038. L'IA serait une menace pour 5 millions de salariés en France. C'est ce qu'affirme une étude de la COFAS et de l'Observatoire des emplois menacés émergents. Parmi les métiers menacés, on compte l'ingénierie, l'informatique, l'art ou encore l'enseignement. On espère que le journalisme ne sera pas menacé par l'IA. Merci beaucoup Maëlle pour cette rubrique et on quitte la France pour aller en rubrique internationale. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you, be proud of you. La guerre en Iran continue avec les regards tournés vers le détroit d'Ormuz. Et oui, c'est la crainte principale désormais pour la communauté internationale, le détroit d'Ormuz, l'artère essentielle au trafic de pétrole. La paralysie du détroit a brutalement réduit le transport d'hydrocarbures. Téhéran menace de s'en prendre à tout navire le traversant. Les pays pétroliers du Golfe ont réduit, voire arrêté complètement leur production, faute de pouvoir l'expédier. Même si la guerre prenait fin sous peu, la production pourrait avoir du mal à repartir, surtout avec des structures endommagées. Et la France, elle se positionne comment ? Alors, mardi 17 mars, Emmanuel Macron martelait qu'il était hors de question pour la France de s'engager dans des opérations, je cite, de sécurisation du détroit d'Ormuz, vu le contexte actuel des bombardements. Mais deux jours plus tard, six pays, dont la France, annoncent être prêts à contribuer à sécuriser le détroit. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et les Pays-Bas. Ils ont aussi condamné les attaques iraniennes sur les infrastructures civiles énergétiques dans le Golfe. A noter que le prix du baril de pétrole continue de varier aux alentours des $100. Au plus haut cette semaine, $112. Il est depuis repassé aux alentours des $90. Et malgré tout, les bombardements israéliens continuent. Oui, Benjamin Netanyahou n'est pas mort, comme l'annoncent plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, en fait avec de l'IA. Et il continue de bombarder l'Iran. Il le dit lui-même, l'Iran est en train d'être décimé et Israël gagne la guerre. Le président américain et son homologue semblent se distancer sur la manière de mener la guerre. Donald Trump a annoncé jeudi qu'aucune troupe américaine ne serait envoyée au sol, tandis que Netanyahou, lui, n'exclut pas cette option. Concernant les bombardements des structures énergétiques, Israël a agi seul, affirment les deux hommes. La crise continue à Cuba, toujours privée de pétrole. Des annonces ont été faites pour tendre la main vers les États-Unis. Les Cubains subissent des coupures de courant quotidiennes depuis le blocus des États-Unis. Jusqu'à l'enlèvement de Nicolas Maduro le 3 janvier 2026, le Venezuela était le principal apport de pétrole pour la région. La population cubaine est en colère, des manifestations s'enchaînent. Le gouvernement communiste à la tête de l'île a annoncé en début de semaine être prêt à des concessions avec les États-Unis. Il a notamment annoncé être prêt à établir une relation commerciale fluide avec des entreprises américaines. Les Cubains vivant à l'étranger ont aussi été priés d'investir dans l'île. Et jusqu'à présent, les immigrés cubains étaient considérés comme des traîtres. C'est donc un changement d'attitude qui prouve la situation catastrophique sur place. Merci Nina pour ce point sur la situation de Cuba. C'est une actualité qui est un peu passée sous les radars cette semaine, mais qui reste importante. Ce qui est important aussi, ce sont les informations qui touchent à l'économie et à la société, et on en parle maintenant. This is Elon Musk. C'est un retour qu'on n'avait pas vu venir et ça va faire sourire les nostalgiques du 45 tours. Le vinyle dépasse le milliard de dollars de recettes aux États-Unis en 2025, une première depuis 1983, Antoine. Et oui, c'est un symbole fort à l'heure où le streaming domine largement le marché. Avec 46,8 millions de disques vendus, le vinyle continue sa progression, plus 7,9% en un an. Mais attention, il ne représente encore qu'environ 10% du marché, très loin derrière le mastodonte numérique qui pèse près de 9,5 milliards de dollars. Mais comment on explique ce retour en force ? Eh bien, derrière ce succès aux États-Unis, il y a un nom, Taylor Swift, vous la connaissez forcément. Sa stratégie marketing a frappé fort, avec 8 versions différentes de son album The Life of a Showgirl, écoulé à 1,6 million d'exemplaires en vinyle. On écoute. A noter qu'en France, le marché du vinyle est lui aussi en forte hausse, un secteur qui s'élève à 113 millions d'euros en 2025. Et la RATP retrouve enfin des couleurs. La régie francilienne de transport repasse dans le vert avec 217 millions d'euros de bénéfices en 2025. Ça faisait 3 ans que le groupe était à perte, moins 25 millions d'euros en 2024 et surtout moins 109 millions d'euros en 2023. Les derniers bilans montrent aussi que le chiffre d'affaires grimpe de 11% et s'élève à près de 8 milliards d'euros. Côté fréquentation, ça repart, mais doucement, plus 1,7% sur un an, avec un niveau encore inférieur à avant le Covid. Et puis un nouveau coup de filet des forces de l'ordre sur la DZ Mafia. En début de semaine, 4 personnes ont été mises en examen pour des projets d'action criminelle en lien avec l'organisation mafieuse. Les détails de leurs projets ne sont pas connus, mais le parquet a dévoilé que les suspects avaient récemment acheté des tenues de pompiers, de policiers et même des gyrophares. Des mises en examen qui donnent suite à l'opération baptisée Octopus qui, les 9 et 10 mars dernier, avait permis l'interpellation de 42 personnes en lien avec la DZ Mafia. Merci beaucoup Antoine pour ton tout premier épisode d'ActuVu. Et on se retrouve tout de suite avec la rubrique Sport Culture avec notre très cher Ludovic. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi tu me parles pas d'âge. I recoupe the ball. Les Jeux paralympiques sont terminés. Ludovic, quel bilan peut-on en faire pour les Français ? 4-4-4, non, il n'y a pas de poule en plateau, c'est le nombre de médailles remportées par la délégation française. 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze donc, et une 6e place à la clé. Un bilan en deçà des dernières éditions hivernales. Les Bleus avaient récupéré 7 breloques dorées en 2018 et en 2022. Cette année, Arthur Bauchet a remporté 2 titres olympiques en paraski alpin, l'une en super combiné et l'autre en slalom géant catégorie debout. En parasnowboard, Cécile Hernandez a décroché une médaille d'or. Et la dernière victoire, c'est celle de Karl Tabouret en paraski de fond. Maintenant, cap sur 2030, une édition évidemment spéciale puisqu'elle sera à domicile. Dans les Alpes françaises, les parasportifs tricolores espéreront faire aussi bien que leurs compatriotes des sports d'été. Aux derniers Jeux paralympiques à Paris, les Français avaient gagné 19 médailles d'or, 28 en argent et 28 en bronze. En tout, ça fait 75 médailles, c'était un record au XXIe siècle. On souhaite bien sûr beaucoup de succès à nos Bleus, mais justement, un autre succès français, c'est en rugby. Et oui, il aura fallu attendre la toute dernière seconde du tournoi et une pénalité de Thomas Ramos. Mais la France remporte donc la compétition pour la 2e fois de suite. Victoire 48-46 dans le crunch, le match qui nous oppose à l'Angleterre. Le 15 de France masculin remporte donc le tournoi des 6 nations pour la 28e fois. Les jeunes ne sont pas en reste. Le week-end dernier, les moins de 20 ans ont également remporté le tournoi, cette fois-ci avec le grand chelem, c'est-à-dire en gagnant tous les matchs du tournoi. Restons sur les célébrations et sur les victoires, cette fois en cinéma. Une bataille après l'autre, ce n'est pas le surnom de la 98e cérémonie des Oscars qui aurait mal tourné, c'est le film qui a été le plus récompensé avec 6 titres le 15 mars dernier. La réalisation de Paul Thomas Anderson a aussi été sacrée pour le meilleur film. Le meilleur film étranger, lui, a été remporté par le Norvégien Valeur Sentimentale, réalisé par Joachim Trier. Merci beaucoup Ludovic pour cette rubrique de qualité. Et de la qualité, vous allez en avoir avec les recos de Corentin. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. La semaine dernière, nous vous aidions à comprendre l'affaire Big Malion. Cette semaine, c'est au tour de l'affaire Bismuth, qui est une autre belle affaire à tiroir. Pour tout comprendre, on vous invite à aller écouter les 2 podcasts consacrés au sujet par Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Puis une autre nébuleuse difficile à comprendre et à percer, c'est celle de Vincent Bolloré, évoquée en début d'émission. Pour tout comprendre à l'empire du milliardaire breton, on vous invite à aller jeter un œil à la carte qui se trouve sur le site désarmébolloré.net. Il y a certes un aspect militant, mais aussi très informatif dans le travail effectué par le site. Pour un peu plus de détails, on vous recommande le complément d'enquête intitulé « Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien ». Et puis, il est au cœur de l'actualité depuis le début, ce point stratégique, le détroit d'Ormuz. Parfois, c'est un peu compliqué de comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de ce lieu stratégique et géographique. Alors pour tout comprendre, eh bien, il y a un super épisode du Dessous des cartes d'Arte qui est disponible gratuitement sur YouTube pour tout comprendre. On vous invite à aller le visionner. C'est déjà la fin de ce 17e épisode. Je sais, vous en voudriez plus, mais vous avez déjà pas mal d'actu à réviser pour les concours. Courage à vous, on vous envoie plein de force. Merci à tous les étudiantes et étudiants de l'EJT qui ont participé à ce podcast. Merci à Nina et à Amélie à la régie, à Nina au montage et aux réseaux sociaux, sans oublier Louise à la communication. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.